Jean Giono, Le poids du ciel. Chapitre 1er, Danse des âmes modernes. Voyez la carcasse de la liberté, comme ça a été facile, somme toute, de crever sa coque, de briser ses mâts, de noyer ses voiles au plus profond des ténèbres de l'eau, malgré cet orgueil de proue qu'elle virait de tous les côtés et le suave balancement qu'elle gardait au milieu même des trombes. Alors pourquoi cet affolement? Pourquoi vous précipitez-vous contre la terre comme sur le plancher d'un bateau qui fait naufrage, comte d'Orgas, tellement pourri que vous ne pouvez plus vous battre que par vos microbes? Nous avons entendu le mot « vie » prononcé, il nous semble, par une voix. Une voix qui a dit ce mot plusieurs fois, « vie, vie, vie », tout seul, comme s'il se suffisait à lui-même. C'est de la folie. Homme d'acier, et là, vous là-haut, le guide, vous là-bas, l'orige gras, dites donc, déchirez-moi un peu plus ces fontanelles, s'il vous plaît. Voilà maintenant qu'il s'imagine qu'on peut vivre sans ingénieur. Alors quoi, dites donc, c'est très dangereux, ça. Gonflez-nous un peu mieux ces cervelles-là, voyons. Vous ne vous rendez pas compte de nos difficultés à nous, les militants, les adjudants bergers dans ce troupeau-là, qui imaginent maintenant qu'il peut vivre. Simplement. Voilà qu'ils disent simplement maintenant, mais qu'est-ce que vous leur avez laissé dans la cervelle? Alors quoi? S'ils se mettent à croire qu'on peut vivre simplement, vous allez voir qu'ils vont parler de liberté tout à l'heure. Qu'est-ce que nous allons devenir, nous, avec nos doctrines, nos évangiles, nos mots d'ordre, nos barèmes d'idées toutes faites? À voix basse, pour le dictateur seulement. Eh, dictateur, et nos commissions sur les mitrailleuses, sur les opiums et sur les mécaniques, où allons-nous les toucher si ça va comme ça? Comment allons-nous vivre? Sacré nom de Dieu, voilà que nous avons prononcé le mot, nous aussi. Lui, là-bas, avec sa douce odeur de réséda, c'est un paysan qu'on a obligé à la sainteté. C'est un homme entièrement naturel. On le voit bien maintenant, car il y a une sacrément belle lumière, là-bas, à cause de ce champ plein de fleurs. On voit cet homme pur. Il est comme une de ces anciennes cartes de géographie où on ne se contentait pas de mettre le nom « forêt » ou « rivière » ou « champ », mais où on dessinait la forêt avec tous ses arbres, la rivière avec tous ses poissons, et le champ avec tous les artisans de la terre. Il est là-bas comme un entassement d'épisodes de vie paysanne, de décors de vie paysanne, de richesses paysannes. Il est comme un immense capital de gloire qui ne valent pas deux sous, mais sont éternels. Il est revêtu de forêts qui lui recouvrent les cuisses, les hanches, monte le long de sa poitrine, recouvre son épaule comme une peau d'ours, avec toutes les fumées de camps de bûcherons, les couloirs que font dans les arbres les torrents d'argent tortillés et frappés au marteau, avec la poussière des scieries, des emplacements de charpentage, avec les longs compagnonnages d'ouvriers et charpentiers, les bandes de copains en pantalon housard de velours bleu, portant le baluchon et fournaguant à la rigolade le long des interminables chantiers forestiers, en marche de chantier en chantier, chantant, ramassant des champignons, dormant dans les bardanes, buvant du lait dans tous les pâturages des clairières, embrassant les laitières, se frisant les moustaches, portant une magique habileté humaine faite d'une longue patience dans leurs bras, leurs torses, leurs mains, leurs cuisses. Il est donc revêtu de ces forêts habitées et toutes ces essences d'arbres si diverses, charrué par en dessous par cette activité d'homme bouleversant et renversant leur feuillage, comme la mer quand le vent du matin la creuse de sa force fraîche. Frêne sur frêne jusqu'au être, être sur être jusqu'au mélèze, mélèze sur mélèze jusqu'au sapin. Les traîneaux charrient les troncs d'arbres, les troupeaux montent au pâturage, les chamois descendent les éboulis, les marmottes sifflent dans l'herbe, les bois de flottage tournent dans les remous et frappent contre les rochers en sonnant comme des cordes de guitare. La grande forêt, avec tous ses métiers, ses armées d'artisans, ses hommes aux yeux bleus, sa vie, sa joie. C'était Le poids du ciel de Jean Giono, lu par Denis Podalydès de la Comédie-Française.